one for the haters, I'm holding my ace of spades up. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. Sipping on this Chris, life is a bitch, ain't it? Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. All these top models, just let them hold the bottle. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. Yeah, j'arrive en Jamos avec Mériana. Toi t'arrives en Vélib, ta meuf est Rihanna. À force de nous sucer, t'as les lèvres gercées. Ouais, on a percé, toi t'as que les oreilles percées. Les larmes tu as versées, le sky on a versé. J'ai des doubles poneys, pourtant j'suis pas au Jersey. J'ai pas d'inspiration, frère s'il y a pas d'Aya. Juste avant l'enfer, y'a pas Taya. On sort de chez Gucci, ton rap un good shit. Game Winnipeg, banlieue sale, Black Wall Street. Condamné à l'échec, les frérots comptent sur moi. Toujours en Louis V, tu peux jouer aux échecs sur moi. Votre Paris c'est magique, j'ai le pied gauche à Merlin. La chatte à la sœur, à la mère à Guerlain. Et ça ZLLX, demande à Seth Gecko. C'est pour ceux qu'on des chiennes et une halal de Teco. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. One for the haters, I'm holding my ace of spades up. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. Sipping on this Chris, life is a bitch, ain't it? Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. All these top models, just let them hold the bottle. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. Prostinez-vous, les bras rendez-vous. Kyra for life, c'est là, c'est pour vous. Friends connection. Les fouins game et la pression. Swag ain't no question, ni sa mère la direction. Attention, bon y'a ça, c'est la hood. Tell niggas it's all good. Quand on roule le backwards, toujours calibré fist. Game stay on the shit, rap while it's in pits. And I do this shit in French, fist attention. Ta modèle et ma villa, vendu bon du illa. Illa d'un bandit killer, fist attention. Jamaican muffin my rover, cup don't pull me over. Parce qu'on est cous du hover. Fed you beef, I beat my henchmen. Pay I do my trenchmen. Cristal ou coufre, my goons boost Benzes. Tell my nigga Frenchie, Jajere au war. Ayo, I'm off, they can meet me by the car, over. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. One for the haters, I'm holding my ace of spades up. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. Sipping on this Chris, life is a bitch, ain't it? Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. All these top models, just let them hold the bottle. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. Entre ta face et mon gun, on mettra un coussin. J'ai un esprit sain dans un corps entre des gros seins. Putain, frérot, je vais pas te faire de dessin. Chicha raisin, je suis musulman comme Michael chrétien. Frérot, même en cellule, j'ai le forfait néo. Tu te sapes chez CEA, on est des CEO. Oh, you wanna hate a shit? We blow niggas that Jada kiss. Long no sniper, Al-Qaeda shit. Pareil que t'es privé de sortie, pareil que tu me fréquentes. Je rentre en studio à midi, ta meuf boîte à midi 30. Et elles aiment me masser, moi j'aime m'enlacer. T'as des belles Jordan, pends-toi avec les lacets. Pareil que t'as un Zifu, serre-toi-en pour chasser. On a des gros Uzi et des corps à ramasser. Yeah, t'es dans l'after de l'after. Funny baby, on se voit après le tour. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. One for the haters, I'm holding my ace of spades up. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. Sipping on this Chris, life is a bitch, ain't it? Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. All these top models, just let them hold the bottle. Lève le doigt en l'air, lève le doigt en l'air. Hey yo, game, when you go back to Compton, go tell them that we fight French rap. You know what I'm saying? Prends le sac, demande à voir ce sac.